Et maintenant, c'est l'invité explosif. Voilà, double jingle. Voilà, chers auditeurs, vous apprenez que c'est Florian qui le fait en direct chaque semaine. Ou qui lâche des rots, je ne sais pas. Non. Tristan, tu viens pour nous parler de ton spectacle. Tristan Lopin pense comme une nana. Exactement. C'est les jeudis et vendredis à 21h30 à la Comédie des Trois Bornes. Tout à fait. Alors, tu peux déjà nous expliquer le titre ? Ah, pense comme une nana. Alors, je l'ai appelé comme ça parce que le spectacle, je l'ai écrit après avoir, parce que je passais beaucoup de temps avec mes copines le dimanche en gueule de bois à parler d'histoires de cœur, de textos, de trucs, enfin bon, des trucs de meufs et de, ouais, mais pas que de meufs, hein, parce que j'ai quand même des potes mecs hétéros qui parlent, enfin qui en parlent aussi, mais juste de manière moins transparente. Donc on assimile souvent ça à un truc de nana justement. Et du coup, en parlant avec elle, je me suis dit, mais c'est ouf parce que je pense vraiment exactement comme elle, ou en tout cas, je l'exprime exactement pareil, c'est-à-dire que j'ai pas du tout de filtre et que j'en parle de manière très, très fluide et très transparente. Et du coup, je me suis dit, en écrivant le spectacle, je me suis dit, en fait, c'est vraiment le genre de conversation, le genre de, enfin, c'est une heure que je pourrais passer avec mes copines, enfin, vraiment, c'est la même chose, quoi. Et du coup, je l'ai appelé Pense comme une nana parce que, c'est le cliché, justement, qu'on met sur les nanas, alors qu'en fait, pour moi, justement, je trouvais ça chouette parce que c'est un spectacle qui pour moi parle à tout le monde, parce qu'en fait qu'on soit une nana ou un mec, puisque je ne suis pas une fille. Tristan n'est pas une fille. Exactement. Et ben en fait on parle tous des mêmes choses et de la même manière, mais juste avec plus ou moins de transparence. Donc effectivement, moi je l'ai vu hier. On peut croire que c'est pour les nanas et en fait pas du tout. Comme tu dis, ça parle à tout le monde. C'est bien écrit, on se marre vraiment. D'autres l'ont vu autour de la table ? Ouais, nope. Moi je l'ai vu. Ah, non, non, pas moi. Ah d'accord. Elle est à fond, moi je l'ai vu. J'allais dire exactement ce que t'as dit. En fait, je pensais pas qu'on serait la cible. Je l'ai vu avec Thibaut. Je pensais pas qu'on serait la cible parce que Thibaut n'est pas gay et que moi, personnellement, je pense comme un mec. Mais finalement, on s'est marré de A à Z et j'en suis ressortie plus femme. Oh my god. Elle est chatte. Elle est super chatte. Moi, j'en suis ressorti plus gay. Mais tu es drôle. Merci. C'est mis en scène par Johan Chabot. Ouais. Alors, vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés. Il a remplacé un de mes profs de théâtre quand je prenais des cours à l'école du One Man Show. Et en fait, au théâtre Le Bout. Et au bout du deuxième cours où il remplaçait mon prof, il m'a, après que j'ai joué un de mes sketchs que j'avais écrit, il m'a dit si jamais tu veux monter un spectacle, et ben moi ça m'intéresse de te mettre en scène. Et voilà. Canon. Et c'est toi qui as tout écrit tout seul. C'est moi qui ai tout écrit, ouais. Ouais, c'est moi qui ai tout écrit, tout à fait. Alors avant d'être dans le One, tu étais dans le cinéma. Ouais. C'est bien ça. Alors qu'est-ce que tu faisais dans le cinéma ? Moi j'ai fait une école de cinéma. J'ai fait une école de ciné et après j'ai été costumier en fait dans le cinéma. Parce que j'avais réalisé deux courts-métrages, mais on a toujours un boulot un peu technique dans le ciné avant de se lancer dans la réalisation. Et du coup j'ai été costumier. Et en fait c'est un peu grâce à ça que j'ai voulu faire le spectacle, parce qu'en fait je suis tombé sur. J'ai fait un court-métrage avec Bérangère Krief. De Bref, qui était à l'époque pas connu du tout, qui jouait à la cible dans un ancien pipe show, donc voilà. Et on y a joué. Hein. On y a tous joué là-bas. Je voulais pas trop parler de. Et à ce moment-là, en fait, moi j'écrivais une rubrique sur un blog qui était pas le mien, mais sur un blog, j'écrivais une rubrique qui s'appelait J'ai montré ma culotte et alors. Et c'était une rubrique un peu dans l'esprit Sex and the City, etc. Et on s'est hyper bien entendu, et tout de suite elle m'a dit, mais tu devrais trop écrire d'autres trucs pour la scène, quoi, essayer la scène. Et en fait, je me suis inscrit 6 mois plus tard à des cours de théâtre et j'ai rencontré mon metteur en scène qui, en fait, lui, a été le premier metteur en scène de Bérangère. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. La boucle est bouclée. Incroyable. Voilà. Moi j'ai été, et tout le monde s'en fout, j'ai été le régisseur de Bérangère Krief sur son tout premier spectacle. C'est vrai, voilà. C'est vrai que tout le monde s'en fout. C'était l'anecdote. Voilà. Et vous l'avez pas trouvé, l'animateur. Et moi, j'ai une super anecdote. J'étais en école de cinéma avec Tristan. Ah, j'allais te demander quelle école de cinéma tu as fait. C'était l'ESRA. On a fait l'ESRA, ouais. D'accord. Allez, voilà. Et la boucle est bouclée. La clé des boucles qui se boucle. Le monde est petit, hein. Surtout chez les artistes. Ouais. Sur ces lieux communs. Rien. Sur ces lieux communs, on y va. Richard Anconina. Tu fais également des vidéos sur Internet. Yes. Bon, on va écouter un extrait et puis on en parle. Laquelle ? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, moi, en tout cas, je regarde. Mais oui, les regarde. Moi, je le regarde. Moi, je ris beaucoup à tes vidéos. Donc, je n'ai pas vu ton spectacle, mais tes vidéos, oui. Elles sont très partagées dans mon réseau. Donc, à chaque fois, j'ai même pas besoin d'aller sur ta page, que c'est déjà partagé par mes potes. Et à chaque fois, je ris, je me dis, ma meilleure amie, moi. Oh, je ne sais pas. C'est moi. Qui me correspond. Tu veux dire que tu ne likes même pas la page de Tristan? Mais si, mais bien sûr que oui. Mais avant même de voir sa propre publication. Sinon, moi, je m'en vais tout de suite. Avant de voir sa publication à lui, j'ai déjà des repartages et des... Mes amis, si vous m'entendez, merci. Camille, tout ça. On écoute. On y va. Ouais, t'as vu la fusillade à Orlando dans le club gay? Ah si, c'était un club gay, ma chérie. Je sais que c'était pas écrit dans les journaux. C'est ce qu'on appelle de l'invisibilisation. On adore. C'est qu'en fait, les médias préfèrent éviter de préciser que c'est une attaque ciblée contre la communauté homosexuelle parce que ça vend moins de journaux, tu vois. Des victimes qui s'enculent, forcément, c'est beaucoup moins populaire. Ah si, d'ailleurs, apparemment, le mec a fait ça parce que quelques jours avant, il avait vu deux mecs s'embrasser dans la rue devant son fils et sa femme et qu'il l'a pas supporté. En fait, voir deux types s'embrasser, le mec a trouvé ça abominable. Bah, on vient de trouver un nouveau copain à Madame Boutin. Hé, Christine, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Le mec, ça le dérange, certes. C'est hyper puéril comme réaction, quand même. Moi, perso, j'aime pas les avocats. Je trouve ça gras, écœurant. Vraiment, ça me fout des hauts le cœur, tu vois. Bah, c'est pas pour ça que dès que je suis à côté d'une copine qui bouffe de l'avocat, je ne me retiens pas de vomir dans sa salade. Tu sais, mon petit chéri, il y a des gens qui mangent de l'avocat, des meufs qui préfèrent les filles, des mecs qui aiment les garçons. Je connais même des gens qui écoutent du Michel Sardou. Mais sérieusement, hein, genre, ils aiment vraiment ça. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Et pourtant, je reste très calme, tu vois. Je dégaine pas une calache à chaque fois qu'il fait un concert. D'autant que son public est déjà en voie d'extinction, ce serait pas très cool. Oh non. Voilà, ça c'était sur la fusillade d'Orlando. Ouais. Mais non, mais c'est excellent, c'est rythmé, c'est drôle, c'est tout quoi. Et puis il y a beaucoup de vues. Il y a beaucoup de vues, ah ouais. Combien, vas-y, vente tout. Bah, sur Facebook, ça, en général, elles sont autour de 80 000 vues. Entre 80 000 et puis celle d'Orlando a fait, je sais pas, 350 000 vues, je crois. Wow. Merci des menaces de. Donc, et j'ai reçu des. De toute façon, je reçois beaucoup de messages très gentils et des messages aussi très agressifs. Hein. C'est vrai? Bah, évidemment, ouais. Ça doit être... Ouais. Enfin, non, j'allais dire ça doit être drôle. Non, les premières fois, c'était pas hyper drôle parce que se faire insulter par des gens qui se cachent derrière en plus. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, au bout d'un moment, je les lis et puis je me dis, bon, bah voilà, en fait. Et partage-les, bah, oui. Leur nom et partage-les. Hein. J'ai hésité, tu sais, à lire les mean tweets, tu sais, à lire les messages que les gens m'envoient en mode où ils m'insultent en disant que je peux aller me faire enculer par. Ah oui. Mais il y avait un humoriste qui faisait ça, qui mettait en ligne les messages un peu de détraqués qu'il recevait. C'était Kyron, il me semble. Ah, mais possible. Il mettait sur son Facebook des trucs. C'est super marrant, les gens sont complètement cons. Quoi. Mais les gens Arthur retweet, faisait une capture d'écran des tweets parce que tu peux virer les tweets. Donc il faisait une capture d'écran de tout ce qu'il recevait aussi. Et donc, comment sont nées ces vidéos? Et ben en fait, c'était il y a un an, j'étais en vacances avec mes parents, mes nièces, etc. Et je m'étais dit que je voulais commencer à faire un peu des vidéos pour donner aux gens envie de venir voir le spectacle. Mais c'était pas du tout, je voulais pas du tout forcément faire un truc dans ce format-là, en tout cas. Et en fait, ils sont tous partis faire un tour, se balader et tout. Et moi, je voulais travailler sur le spectacle puisque je suis très consciencieux. Et en fait, j'avais sur la table basse de la maison, il y avait toutes les mini-poupées de mes nièces. Toutes les princesses Disney qui étaient là voilà, et en fait j'ai pris ma GoPro et j'ai commencé à filmer parce que je trouvais ça improbable, enfin bon, elle joue à ça tout le temps et c'est très mignon, mais juste du coup j'ai commencé à les animer et à leur faire dire des conneries, genre à faire que la nana de la Reine des Neiges sorte avec une autre, enfin genre elle se lèche un peu la chatte. J'ai déjà vu ça. Parce que la Reine des Neiges est quand même lesbienne, c'est sûr. Et en fait, j'ai commencé après à en faire de temps en temps d'autres sur des thèmes où j'écrivais un peu plus finalement. Et puis après, je les mettais sur YouTube. Ça marchait, mais genre pas. Enfin, non, ça marchait pas trop d'ailleurs. on va être tout à fait honnête. Et après, en fait, je sais pas, j'ai commencé à vraiment à partir de février, je sais pas, à me poser. Et à écrire la première qui a vraiment bien marché, que j'ai mise directement sur Facebook, qui était celle où je recouche avec mon ex. Et en fait, ouais, du coup, c'est parti comme ça. Tout le monde l'a su. Lui aussi, du coup. et puis voilà, en fait, elle a hyper bien marché, tout de suite. Et du coup, les gens m'en demandaient d'autres. Et bah, j'ai commencé à en faire une toutes les semaines. Et puis maintenant, c'est toutes les deux semaines parce que j'ai moins de temps. Donc, je vais pas les bâcler ni rien. Mais voilà, c'est né comme ça. Et donc, pour retrouver. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non. Donc, pour retrouver ton ton actu, tes vidéos, c'est sur ta page Facebook, je suppose. Exactement, ouais. YouTube. Twitter, j'ai compris que Twitter... Twitter, je comprends pas, en fait. Voilà. je sais pas, il faut être hyper réactif, c'est vraiment dans l'instant. Ah, c'est de l'instantané. Ouais, mais du coup, j'ai pas le temps, je suis désolé. Je voudrais m'excuser auprès de Twitter, je suis trop occupé. Il est les jeudis, c'est ça, jeudi-vendredi, ouais. Au théâtre des Trois Bornes, allez-y, c'est drôle, c'est rythmé. Exactement. En plus, t'es sympa sur scène. Non, mais c'est vrai, on dirait que c'est notre pote. Et alors, faut pas venir en retard au début. On dit pas ce qui se passe au début, faut pas dire ce qui se passe, mais arriver à l'heure, c'est mieux. C'est mieux. Et réservé parce que c'est complet. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à fin octobre, c'est complet, donc réservé vite. Tu joues jusqu'à quand? Jusqu'à fin décembre, on reprendra après, mais je pense que. Enfin, on verra où. Ça marche. Peut-être à Bercy. Bah, on te le souhaite en tout cas. On y croit. Ah non, merci, c'est trop. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, merci Tristan, on se retrouve avec après plaisir. Pink, Just Give Me a Reason.